Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu. Parole du dimanche. Parole du dimanche. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Essayons d'abord de lire ce texte sans penser tout de suite à Jésus-Christ. Le prophète Isaïe, qui écrivait au VIe siècle avant notre ère, parlait d'abord pour ses contemporains. Sinon, qui l'écouterait? Un prédicateur qui, aujourd'hui, nous parlerait pour l'an 3000 n'aurait guère d'auditeur. Il faut donc chercher ce qu'Isaïe voulait dire à ses contemporains. En quoi son message pouvait les stimuler? La seule chose évidente dans les quelques lignes que nous lisons aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte de persécution. Un serviteur est broyé par la souffrance. Puisque ce passage est inséré dans le livre du deuxième Isaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 55, on peut penser qu'il s'agit de l'exil à Babylone. La souffrance est là, pour ce peuple qui a tout perdu et qui peut aller jusqu'à se sentir abandonné de Dieu. Alors, le prophète vient redonner des raisons de vivre et d'espérer, des raisons de tenir le coup malgré tout. Il vient dire « Votre souffrance n'est pas inutile, elle a un sens, vous pouvez lui donner un sens. » Il cite l'exemple d'un serviteur, mais sans le désigner précisément. Qui est ce serviteur? Ce même titre revient avec insistance dans les quatre textes qu'on appelle justement « les chants du serviteur » chez le deuxième Isaïe. Il s'agit probablement du peuple lui-même exilé, ou ce qu'il en reste, le petit noyau, qui essaye coûte que coûte de rester un serviteur de Dieu. Je commence par la phrase la plus difficile. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. L'horrible contresens à ne pas faire, ce serait de croire une seule seconde que Dieu puisse prendre un quelconque plaisir à la souffrance d'un homme. Comment concilier cette manière de voir avec tout ce que nous savons par ailleurs, à savoir que Dieu est amour? Même nous, qui ne sommes pas très bons, nous ne nous réjouissons jamais des souffrances des autres. Donc ne faisons pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Nulle part dans le texte hébreu, il n'est dit que Dieu s'est complu à broyer son serviteur par la souffrance. Le verbe « plaire » ici est un mot que l'on employait à propos des sacrifices pour dire qu'ils étaient agréés par Dieu et que Dieu donnait son absolution. Pour le dire autrement, dans sa souffrance, le serviteur est invité à adopter une attitude que Dieu peut agréer comme une œuvre de réparation, d'absolution. Ce qui revient à dire que le serviteur peut transformer sa souffrance en une œuvre de salut. D'abord pour lui-même. Derrière l'expression « broyé par la souffrance », il y a l'image du cœur brisé d'Ézéchiel ou du psaume 50, un cœur de pierre qui devient un cœur de chair dans la souffrance. Et dans la souffrance infligée par les hommes, par la persécution, on peut réagir par le durcissement, haine pour haine, ou par l'amour et le pardon. Et c'est donc au sein même de sa souffrance que le serviteur peut tracer un chemin de lumière. C'est le sens de la phrase « Par suite de ses tourments, il verra la lumière ». De tout mal, Dieu peut nous aider à faire sortir un bien. Voilà la merveille, la puissance de l'amour de Dieu. Mais ce serviteur souffrant peut également contribuer au salut des autres. Et c'est le deuxième message d'Isaïe ici. Cette souffrance que les hommes vous ont infligée, vous pouvez, en faire un moyen de salut pour eux. Dieu accepte, Dieu agrée votre attitude intérieure d'offrande comme un sacrifice et il pardonne à tous, y compris à vos bourreaux. Il est vrai que vous n'êtes pas en train d'accomplir un sacrifice au temple de Jérusalem selon les rites traditionnels. Mais dans sa miséricorde pour tous les hommes, Dieu accueille votre attitude intérieure d'offrande et de pardon comme un sacrifice de réparation. Étant entendu que c'est toujours Dieu qui répare, qui pardonne. Et c'est bien ce qui est dit ici par Isaïe au sujet du serviteur. Broyé par la haine des hommes, le juste a répondu par le silence et le pardon. Et Dieu a permis que ce pardon soit le salut des bourreaux, que ce pardon convertisse le cœur des bourreaux, parce qu'ils se sont ouverts à l'absolution offerte par Dieu. Alors Isaïe délivre le message le plus important de sa prophétie. Par lui, par le serviteur, ce qui plaît au Seigneur réussira. C'est la phrase centrale de ce texte, cette volonté de Dieu. Isaïe le sait bien, comme déjà Moïse le savait avant lui, c'est de sauver l'humanité, de la libérer de toutes ses chaînes. Et la pire de nos chaînes, c'est la haine, la violence, la jalousie qui ronge notre cœur. Cette volonté de Dieu, c'est donc tout simplement que l'humanité redécouvre la paix. Or, cela peut se réaliser grâce au serviteur de Dieu. C'est ce que dit Isaïe. Si le serviteur fait de sa vie un sacrifice de réparation, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. À partir de ce pardon accordé par Dieu, tous les pécheurs, délivrés de leur culpabilité, peuvent entamer une nouvelle vie. Devant l'attitude du serviteur, le cœur des bourreaux s'attendrira. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Ce qu'Isaïe dit ici, c'est que le salut des bourreaux est dans les mains de leurs victimes. Car seul le pardon accordé par la victime peut attendrir le cœur de son bourreau et le convertir. C'est bien le sens de la phrase de Jésus. « Lorsque j'aurai été levé de terre, j'attirerai tout à moi. » Tout de suite, le psaume. Psaume 32. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Sans cesse dans la Bible, on médite sur cet événement extraordinaire. Le Dieu inaccessible parle à l'homme. Il parle pour créer, il parle pour proposer son alliance, il parle pour guider la marche de son peuple et avec lui de toute l'humanité au long des siècles. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Elle est en ligne droite depuis le début. Elle poursuit toujours l'unique projet. La juxtaposition des deux lignes de ce verset est très intéressante. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Contrairement aux apparences, peut-être, il n'y a pas là deux affirmations distinctes. L'une concernant la parole de Dieu, l'autre portant sur ses actes, sur ce qu'il fait. Chez l'homme, la parole et l'action ne sont pas toujours très cohérents. Nos beaux discours sont souvent sans lendemain. Mais en Dieu, la parole est acte. Le même mot hébreu « davar » veut dire à la fois « parole » et « action, œuvre, événement ». Ce que Dieu dit, il le fait. Il dit « et cela fut », répète le récit de la création, au chapitre 1 de la Genèse. Ou encore, rappelez-vous, Isaïe au chapitre 55. « La parole qui sort de ma bouche ne retourne pas vers moi sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. » Il y a certainement là aussi, comme très souvent dans la Bible, une allusion, j'aurais envie de dire un coup de patte, aux idoles, qui, elles, sont muettes, inertes, impuissantes. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il s'agit encore et toujours de ce projet de Dieu. Et le psaume détaille toute cette œuvre de Dieu. La création, non pas comme un acte du passé, mais comme une présence de Dieu, une vigilance sur tous ceux qu'il a appelés à l'existence. Pour guider la marche de son peuple, Dieu parle à travers sa loi. On en a un écho dans ce verset. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. La création tout entière a vocation à devenir le lieu de l'amour, du droit, de la justice. Rappelez-vous le mot du prophète Michée, je le cite souvent. « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre, que de respecter le droit, d'aimer la fidélité et de t'appliquer à marcher humblement avec ton Dieu. » Michée chapitre 6. C'est la loi qui éduque peu à peu ce peuple et qui promeut le droit et la justice tels que Dieu les entend. Dans tous les peuples du monde, la loi est faite pour garantir et développer les valeurs régnantes de la société. Mais la particularité en Israël, c'est que la loi a été donnée par Dieu et donc elle défend les valeurs de Dieu, l'amour, la liberté, le respect mutuel, la solidarité. Les commandements tendent tous à éduquer le peuple dans ce sens. Les autres versets que nous entendons ce dimanche font partie de la fin du psaume, mais ils sont dans la suite logique de ce que nous venons de voir. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. La crainte de Dieu comporte toujours une dimension d'obéissance à sa loi, une obéissance dictée par la confiance. Comme un enfant écoute celui qui l'avertit du danger s'il lui fait confiance. Au passage, vous avez remarqué, nous avons là une belle définition de la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est espérer en son amour. Encore une fois, vous voyez qu'on est bien loin de la peur. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. On voit bien pourquoi ce verset a été choisi précisément pour ce dimanche, en réponse à la première lecture, le chant du serviteur souffrant, au chapitre 53 d'Isaïe. Dans la souffrance, le serviteur ne tient le coup que parce qu'il sait qu'il est l'objet de la vigilance de Dieu. Depuis l'expérience du buisson ardent, on sait en Israël que Dieu se penche sur toutes les souffrances humaines. En hébreu, le texte de notre psaume dit « L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent ». Belle manière de dire sa sollicitude. Quant à la citation des « jours de famine », elle est certainement une allusion au temps de l'Exode. Vous vous souvenez, pendant la marche dans le désert, Dieu a réellement sauvé le peuple qui mettait son espoir en lui, en lui envoyant la manne chaque matin. Il reste que l'expression « pour les délivrer de la mort » pose question. Pour tous, croyants ou incroyants, la mort est inéluctable. Et à l'époque où ce psaume a été écrit, personne n'a encore ressuscité. Dieu n'a délivré personne de la mort physique. Mais il ne s'agit pas d'individus, il s'agit du peuple. Et réellement, ce peuple peut témoigner que Dieu l'a délivré plusieurs fois de la mort, que ce soit en Égypte ou à Babylone ou ailleurs. Enfin, le dernier verset est un beau résumé de l'Alliance, une expression de confiance extraordinaire. Le peuple met tout son espoir dans celui qui l'accompagne de sa vigilance. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Cette confiance ne devrait jamais nous quitter, puisque, comme le dit le livre du Deutéronome, Dieu tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Dans nos moments de découragement, nous devrions nous répéter cette phrase. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui avaient imaginé que le Messie serait un prêtre. Or, Jésus ne l'était pas. Il leur répond « Jésus était bien prêtre, mais autrement ». Pour les Juifs, le rôle des prêtres en général et du grand prêtre en particulier était de faire le pont entre le Dieu inaccessible et le peuple. Quand on disait « Dieu saint », on pensait Dieu séparé, inaccessible. Les hommes, eux, appartiennent au monde profane, ce que l'Ancien Testament appelle impur. Alors, pour transmettre à ce Dieu nos prières ou même nos actions de grâce, il fallait un médiateur, un intermédiaire, quelqu'un qui fasse le pont. C'est de là que vient le mot pontife, pontifex en latin. Ce quelqu'un ne pouvait pas être un homme ordinaire qui appartenait au monde profane, d'où tout le rituel de la consécration du grand prêtre, le mot consécration signifiant justement séparation, mise à part. Pourtant, nous savons que déjà l'Ancien Testament avait découvert, et merveilleusement, le Dieu tout proche. Mais le chemin était à sens unique, si j'ose dire. Dieu traversait l'abîme qui nous sépare de lui. Mais pour l'homme, c'était impossible. D'où la nécessité du prêtre, mis à part pour cela. Dans cette logique-là, il est évident que Jésus ne remplit aucune des conditions du sacerdoce. Premièrement, il n'est pas de la tribu des prêtres, la tribu de Lévi, puisqu'il descend de David, qui est de la tribu de Judas. Pire, pour être grand prêtre, il fallait, à l'intérieur de la tribu de Lévi, descendre de la famille d'Aaron, ce qui, évidemment, n'était pas non plus le cas. Il n'avait donc pas non plus reçu la consécration de grand prêtre, et pour cause. Et encore plus grave, il est mort comme un maudit. La mort de Jésus n'est pas un acte du culte, bien au contraire, c'est l'exécution d'un condamné. Pour les chrétiens, au contraire, tout repose sur le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, homme et Dieu ne font qu'un. Le voilà celui qui réellement, efficacement, fait le pont. En lui, Dieu est venu vers l'humanité, Dieu a traversé l'abîme qui nous sépare de lui. Notre texte dit « il a traversé les cieux ». Et lui aussi, et en même temps, par sa résurrection, en lui aussi, un homme a traversé les cieux. Pour rester dans cette image, on pourrait dire que le chemin a été fait dans les deux sens. En lui, l'humanité tient fermement, une fois pour toutes, la main de Dieu. Et nous, puisque nous sommes son corps, nous avons par lui accès à Dieu. Donc c'est lui notre médiateur, une fois pour toutes. Tenons ferme dans l'affirmation de notre foi, nous dit l'auteur. C'est-à-dire, ne nous laissons plus intimider par une théorie d'un autre âge. Désormais, tout est changé. Ne regardons plus vers le passé. Il n'était qu'une étape dans le projet de Dieu. Désormais, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Nous lisons ici qu'au moment où cette lettre a été écrite, déjà la communauté chrétienne donnait à Jésus le titre de « Fils de Dieu ». Mais du coup, ces chrétiens avaient la même difficulté que nous. Ce Fils de Dieu pouvait-il en même temps être un homme comme nous ? Il est là, le mystère de l'incarnation. Il faut bien accepter qu'il reste pour nous un mystère. Les desseins de Dieu sont trop impénétrables pour nous. Chez nous tous, même si nous récitons fidèlement que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, l'idée que Dieu est irrémédiablement lointain demeure tenace. C'est probablement pour répondre à ce genre de difficultés que l'auteur ajoute tout de suite après. Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Cette épreuve du Christ recouvre certainement les multiples tentations qui ont jalonné sa vie. Celles que nous rapportent les évangiles synoptiques, dans ce qu'on appelle les récits des tentations au désert. Celles du pouvoir, du succès, du prestige. Celles de se faire servir au lieu de se faire serviteur. Nous en aurons un écho dans l'évangile de ce dimanche. Celle que lui a occasionné Pierre en le poussant à éviter la persécution et la mort qui l'attendaient à Jérusalem. Celle de Gethsémani. Celle enfin de se croire abandonné au pire moment, c'est-à-dire sur la croix. Toutes ces tentations sont les nôtres, mais lui n'a jamais succombé. Pas une fois, il ne s'est éloigné de la volonté de son Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Il est donc bien à la fois notre frère qui partage notre condition, nos épreuves, nos tentations et fils de Dieu vivant parfaitement selon la volonté du Père. Il ne nous reste plus qu'à marcher à sa suite, nous qui sommes ses membres, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Ce qui est dit ici sous la forme « Avançons-nous donc avec assurance ». Désormais, l'institution israélite du sacerdoce n'a plus de raison d'être. Mais alors tout de suite se pose la question. Pourquoi y a-t-il encore des prêtres parmi nous? Réponse, le prêtre chrétien ne prétend pas faire le pont entre Dieu et les fidèles. Mais par sa présence, il rappelle sans cesse à ses frères que Jésus-Christ, le seul grand prêtre, le seul pontife, est au milieu d'eux. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Je commence par ces derniers mots, « rançon pour la multitude ». Ils ont malheureusement complètement changé de sens depuis le temps du Christ et nous risquons donc de les entendre de travers. Aujourd'hui, quand nous entendons le mot « rançon », c'est dans le contexte d'une prise d'otage. Il s'agit de payer la somme exigée par les ravisseurs. Seul moyen d'obtenir la libération du prisonnier. Le mot « rançon » désigne le montant de la somme à verser. Tandis qu'à l'époque du Christ, au contraire, le mot « rançon » signifiait la libération, c'est-à-dire la seule chose importante en définitive. Le mot grec qui a été traduit par « rançon » est dérivé d'un verbe qui signifie « délier », détaché, délivré. C'est donc un contresens par rapport au texte grec de l'évangile de saint Marc d'imaginer que Jésus doive payer quelque chose pour nous. Ce contresens défigure complètement l'image de Dieu. D'autre part, nous savons bien que tous les prophètes ont lutté de toute leur force contre l'horrible pratique des sacrifices humains dont ils disaient que c'est une abomination. Donc quand les disciples ont entendu Jésus leur dire « Je dois donner ma vie en rançon pour la multitude », Il ne leur est pas venu à l'idée une minute que Dieu pouvait exiger l'exécution de son fils. Ils savaient depuis longtemps que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. En revanche, ils attendaient une libération. De l'occupant romain d'abord, c'est certain. Et le malentendu a duré longtemps pour quelques-uns d'entre eux, probablement. Plus profondément, ils étaient des croyants et donc ils attendaient aussi la libération définitive de l'humanité, de tout le mal qui la ronge, le mal d'ordre physique, moral, spirituel. Et ils entendaient Jésus leur dire « Je dois consacrer ma vie à cette œuvre divine de libération de l'humanité ». Mais Jésus leur dit aussi que cette œuvre de libération de l'humanité passe par la conversion du cœur de l'homme. Et cela va lui coûter la vie, il le sait. Il vient pour la troisième fois de leur annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Annonce qui ne fait que confirmer leurs craintes. Marc note un peu plus haut qu'ils sont sur la route qui monte à Jérusalem et que Jésus marche en avant du groupe. Eux suivent sans empressement parce qu'ils ont peur, et à juste titre, de ce qui les attend à Jérusalem. Du groupe, deux hommes se détachent, peut-être les plus courageux ou les plus clairvoyants, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ceux que Jésus a surnommés les fils du tonnerre. Alors, de cette troisième annonce qui confirme leur pire crainte, ils préfèrent ne retenir que la fin et ils demandent à Jésus de les rassurer. Nous qui allons affronter Jérusalem avec toi, dis-nous qu'ensuite nous aurons part à ta gloire. Jésus répond, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Manière de dire, « Je ne peux pas éviter le chemin de souffrance et de mort sur lequel les hommes m'entraînent. Et vous, êtes-vous prêt à vous engager sur ce même chemin ?» La dernière phrase de Jésus est très curieuse si on y réfléchit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais justement, le Fils de l'homme, d'après le prophète Daniel, au chapitre 7, était celui qui devait être sacré roi de toute l'humanité. Curieux portrait de roi, qu'un roi à genoux devant l'humanité, au lieu d'être assis sur un trône au-dessus des autres. Clairement, ici, Jésus se présente non comme un roi triomphant, mais comme le serviteur d'Isaïe, dont nous lisions le portrait en première lecture. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Isaïe disait par lui, le serviteur, « Ce qui plaît au Seigneur réussira », c'est-à-dire le salut de l'humanité, parce que la non-violence, le pardon, le service, l'humilité sont le seul moyen de changer le cœur de l'homme. Alors, on comprend la phrase de Jésus. Les chefs des nations païennes commandent ton maître. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Vous, mes disciples, qui êtes le noyau et le ferment de l'humanité nouvelle, soyez à l'image du Fils de l'homme. Faites-vous serviteurs. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu.